puis le vent a soufflé. Bourrasque de la vie qui nous a fait s'arrêter. Toi tu regardais devant au calme du futur, au sortir de la tempête. Regardez derrière les tempêtes passées, je voulais avancer et briser les obstacles. Sur ton chemin de vie, je me suis vu tomber, je me suis écorché, je n'ai pas espéré. Never the same. plus d'agacé. Essaye avec le jeu. Juno 106. We'll be right back. claquer avec les jumeaux. On va rajouter un autre son de, du même synthé. Il est gratuit celui-là, il sonne bien. Hein, c'est Poly 2106. Poly 2106. Peut-être pas une preuve de cette année.